Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et c'est Jimmy Farley, votre animateur, qui vous accompagnera pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre des nouveautés de Pendragon. On va aussi entendre Banco del Mutuo Soccorso d'Italie. On a Inner Prospect aussi d'Italie. On a une demande spéciale de France, de Saint-Roch sur le Richelieu, pour du rock progressif au féminin. Alors, on lui propose Renaissance. Et on aura aussi Koss de la Belgique, Dead Heroes Club d'Irlande, Fruteria Tony d'Espagne, Invertigo d'Allemagne et Blind Ego aussi d'Allemagne. Alors, juste une petite note ici pour mentionner que l'émission a été produite à partir de mon domicile. Alors, je vous demanderai d'être indulgent parce que j'ai pas les moyens du bord de la station, mais on va faire notre possible. Alors, au début, on va commencer avec Pendragon. Pendragon qui nous a sorti un album triple. En fait, c'est un album un petit peu spécial dans le sens que il est constitué de trois CD, avec chacun des CD avec une production différente, là, dans le sens qu'il y a le premier CD qui est fait de façon normale avec tous les musiciens, les chanteurs, la production originale. Il y a eu un CD qui a été sur lequel les mêmes chansons sont reprises avec la version instrumentale seulement. Et on a aussi un CD avec la version acoustique. Alors, je vous propose un morceau de chacun des CD. Alors, on aura Eternal Light, ça c'est la version acoustique. On aura Water, qui est la version instrumentale. Et on aura Who Really Are We, ça c'est la version originale avec toutes les avec toute la production normale. Je rappelle qu'il y a 10 chansons sur chaque CD. Par contre, sur la version vinyle, il y a deux chansons en bonus. Alors, on va débuter ça avec Pendragon. Thank you. Bye. books of Solzhenitsyn, the wisdom of kings, censored plays and words, and all that can bring. It seeks to divide us while pretending to unite us. Neither repented they of their murders. To the floor, love's become the new hate, become the new love, and therein lies the biggest deception of all. You can't fight it, it's the Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc avec un extrait d'un album qu'on a déjà fait jouer à l'émission. Il s'agit de Prog Exhibition. Prog Exhibition, c'est un spectacle qui a duré quelques jours. Ça, c'était en novembre, je pense, 2009, à Rome. Et comme mentionné précédemment dans une autre émission, bien c'est un hommage au 40e anniversaire du rock progressif italien. Et durant ce spectacle-là, ce festival-là, dirais-je, il y a eu plusieurs groupes, et dont Banco del Mutuo Soccorso. Et étant donné que j'ai trouvé que la prestation en direct a été très bien enregistrée. Alors, je vous propose trois extraits de ce spectacle-là avec des pièces, bien entendu, qui sont des pièces classiques du groupe de Panko. On a Métamorphosi, Ragno et Canto Nomade per un Prigioniero Politico. Alors, voici Panko del Mutuo Soccorso, extrait du spectacle de Prog Exhibition. Thank you. Thank you. mai, seguo sempre il filo e non lo perdo mai, segui questo filo e non ti perderai, prendi questo filo e non ti pentirai. Labirinto senza uscite, è il tuo spazio ricamato, io non saprei camminare. Questi giorni è certo autunno, giù da noi, dolce Marta, Marta mia. Ricordo il fieno e i tuoi cavalli di Normandia, eravamo liberi. Thank you. ascolta Marta in questo strano autunno, i tuoi cavalli gridano, urlano incatenati ormai. Cosa dire? Soffocare, chiuso qui perché Jimmy Farley. Nous voici donc de retour pour le troisième bloc de cette émission du 30 mars 2020. On va débuter avec une formation italienne du nom de Inner Prospect. En fait, c'est le projet parallèle du claviériste de la formation italienne Mad Crayon, qui nous a pondu trois petits bijoux dans les années 2000. Mais lui, Alessandro Di Benedetti, sous le nom de Inner Prospect, a déjà 10 albums studio depuis 2014, dont le dernier, qui s'intitule Canvas One. Et en fait, il a fait deux albums avec le même sujet, le Canvas One et Canvas One Instrumentals. Mais pour l'occasion, aujourd'hui, je vous propose une pièce de Canvas One, et la pièce s'intitule « Down Deep Orchestral Rendering ». Ensuite, on va procéder avec une demande spéciale de France, de Saint-Roch sur le Richelieu. C'est une abonnée de l'émission, elle est là depuis les tout débuts. Et à chaque année, durant la même période, bien, elle demande une chanson de rock progressif au féminin. Alors, on va exaucer ses souhaits avec Renaissance, bien entendu. C'est un groupe très, très, très prolifique qui était surtout actif dans les années 70, mais ils ont quand même 16 albums studio, le dernier étant en 2013. Mais là, aujourd'hui, je vous propose l'album que moi je préfère, c'est Scheherazade and Other Stories, et la pièce, bien, c'est Trip to the Fair. On va rester dans le rock progressif féminin, c'est-à-dire la chanson est féminine, même si le groupe ne l'est pas, c'est Koss de Belgique, Écosse qui a eu qui est catégorisé dans la section Canterbury a eu cinq albums studio entre 1974 et 83 et moi aujourd'hui je vous propose la pièce XL, ça c'est tiré de leur deuxième album Viva Boma. Et on va conclure avec Dead Heroes Club. Ça, c'est un groupe d'Irlande. Et ils ont été actifs entre 2004 et 2013 avec trois albums studio, dont le dernier qui s'intitule Everything is Connected. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Watching and Waiting Men. Alors, on y va avec Inner Prospect. Thank you.

veulent étouffer. Je sèmerai des fleurs éternelles qui te rendront belle parmi les plus belles. Je sais que tu vivras pendant 100 000 ans. Pour moi, tu resteras la ville des anges. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Hey, nous voici déjà rendus au quatrième bloc de l'émission de Rock de Neurones et on va débuter avec un groupe espagnol du nom de Fruteria Tony. C'est un groupe assez marginal, fait des choses non conventionnelles, mais ça se tient, c'est très, très intéressant. Les trois albums, en fait, il y a un nouvel album qui vient de sortir. L'album s'intitule El Porvenir Está en las Huevas. Ça, c'est le troisième. Il y a eu un premier album en 2014 et l'autre en 2017. C'est des albums qu'on a déjà passés à l'émission. Alors, c'est une nouveauté. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Agonia in Koyukuk. Ensuite, on va aller du côté de l'Allemagne avec le groupe Invertigo. C'est un groupe qui existe depuis une dizaine d'années déjà. Ils ont trois albums, dont le plus récent qui est paru cet automne. L'album s'intitule In Motion. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Wasting Time. Et ensuite, on va rester en Allemagne avec le groupe Blind Ego. Ça, c'est le projet parallèle du guitariste de la formation RPWL. Son nom, c'est Cale Wallner. Il a déjà quatre albums sous le nom de Blind Ego. Le dernier qui vient tout juste de paraître, c'est Preaching to the Choir. Et la pièce qu'on va entendre, ben, c'est la pièce titre. Desobar viejo Casanova de estuario. Ahora tienes que morir. We'll be right back. I've been told not to waste time since I was young, to care about what's relevant, turn my back toward the fun. I never knew what this was meant to mean. The point of the distinction still remains to be seen. I'm so good at wasting, I excel in wasting time. Reading other people's thoughtful thoughts, taking part in inspiring talks. you lie the wandering. What have I happened to your precious time? Why are you mourning in the morning? Forever blaming bottles of red wine. Crook shot. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 246e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud, le site une fois que vous êtes entré sur le site, vous tapez dans la barre de recherche Rock de Neurones et vous allez avoir accès à l'émission de la semaine courante. Vous pouvez aussi accéder à l'émission en passant par la page Facebook de l'émission. Et en plus, sur cette page-là, vous allez trouver un lien qui vous amènera aux 167 émissions archivées. Je sais que c'est pas toujours, on n'a pas toujours le temps, mais dans les circonstances, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui est en confinement, alors faites donc un petit tour du côté de archive.org. Vous avez 167 émissions de 2 heures. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez apprécié l'émission. Je rappelle que cette émission a été produite à mon domicile, donc il se peut que ce soit sujet à commentaire. Alors, je vous invite à le faire. Allez sur ma page Facebook et en privé, laissez-moi des commentaires. Et si vous voulez obtenir la feuille de route que je publie à chaque semaine, ben, prenez le même chemin, allez sur la page Facebook et dans la section privée, donnez-moi votre adresse courriel et puis je vais vous insérer dans ma liste de distribution. Alors, d'ici là, passez une bonne semaine et bonne écoute. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 246e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud, le site une fois que vous êtes entré sur le site, vous tapez dans la barre de recherche Rock de Neurones et vous allez avoir accès à l'émission de la semaine courante. Vous pouvez aussi accéder à l'émission en passant par la page Facebook de l'émission. Et en plus, sur cette page-là, vous allez trouver un lien qui vous amènera aux 167 émissions archivées. Je sais que c'est pas toujours, on n'a pas toujours le temps, mais dans les circonstances, étant donné qu'il y a